Les mois de l'année. Mois, yani شهر ou أشهر. Les mois, yani الأشهر. De l'année, année, yani سنة. أشهر السنة. يناير اسمه janvier. Janvier. Janvier. Février. Février. Février. Février, janvier, février. Mars, c'est mars. Mars. Janvier, février, mars. Avril, c'est avril. Avril. Avril. Janvier, février, mars, avril. Mai, c'est mai, mai oismo, mai, janvier, février, mars, avril, mai, junio oismo, juin, juin, julio, juillet, juillet, juin, juillet, mars, avril, mai, juin. Juillet, Augustus, esmo, août, août, septembre, esmo, septembre, septembre, mai, juin, juillet, août, septembre, chahar, octobre, esmo, octobre, octobre, octobre. Septembre, octobre, novembre, novembre, décembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, Marasani, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, octobre, novembre, décembre. Bonne chance.